إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc, on continue donc dans cette explication de cette conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Shumuliyatul Ibadah. Donc ça, c'est la quatrième partie dans l'explication de cette conférence. Le Cheikh, il dit, فَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَن تَكُونَ خَالِصَةً وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُتَابِعَةً لِلسُّنَّةِ ثُمَّ أَيْضًا لا بد أن تكون العبادة مبنية على ثلاث ركائز: المحبة والخوف والرجاء. ركائز عظيمة لا بد أن تقوم عليها العبادة: المحبة لله عز وجل، الخوف من الله، الرجاء كما وصف الله بذلك خيرة خلقه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا يعني رجاء، ورهبا يعني خوفا، فجمعوا بين الخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي. والصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبدونه لأنهم يحبونه فقط، وهذا باطل. فالمحبة فقط لا تكفي، لا بد أن يكون معها خوف من الله ومعها رجاء لله سبحانه وتعالى. فالأنبياء يعبدون الله خوفا من ناره وطمعا في جنته، وهل هناك أكمل من الأنبياء؟ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc le Cheikh, il explique maintenant, il dit que l'adoration, on a expliqué dans les cours passés qu'il faut qu'elle soit khalisa, c'est-à-dire qu'elle soit faite avec ikhlas, sincérité, et qu'elle soit purement pour Allah seul. Et on a expliqué qu'il faut que cette adoration soit également en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit exempte de toute forme d'innovation, de bid'ah. Et maintenant, on va expliquer un point aussi, c'est que l'adoration, elle doit être établie sur trois choses centrales. Trois piliers, on les appelle les piliers de l'adoration. Et ces trois points centraux de l'adoration, c'est quoi? C'est l'amour, la crainte et l'espoir. Donc, ton adoration, lorsque tu l'as fait, elle doit être établie sur ces trois piliers, sur ces trois bases: l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont trois grands points sur lesquels on se concentre par rapport à l'adoration. Et pour que notre adoration soit bonne, elle doit être basée sur ces trois principes. Et il mentionne le fait que les meilleurs d'entre les créatures ont été qualifiés ou décrits comme possédant ces caractéristiques-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne ses prophètes et quand il les décrit, il mentionne qu'ils ont établi leur adoration sur ces trois bases ou sur ces trois fondements de l'adoration. Donc il dit par exemple dans Suratul Anbiya, le verset 90, que les prophètes, ils se précipitaient vers le bien. Hein? Ils se précipitaient vers tout ce qui était bon, toutes les bonnes choses. Et ils nous invoquaient, c'est-à-dire, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, raghaban wa rahaba, c'est-à-dire avec espoir et avec crainte. Wa kanu lana khashi'in, c'est-à-dire ils étaient humbles envers nous. Donc, le cheikh, il explique, il dit donc, raghaban, ça signifie raja'an, c'est-à-dire avec espoir. Wa rahaban, ça signifie khawfan, c'est-à-dire avec peur, avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les prophètes, quand ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils réunissaient la crainte et l'espoir ensemble. Hein? Et c'est pour ça que les ulama disent que si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par l'amour, tu dis moi j'adore uniquement Allah par l'amour, en me basant sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que je l'aime, donc je l'adore uniquement parce que je l'aime seulement et non pas parce que je le crains. Donc il dit si tu fais ça, alors dans ce cas là tu es un soufi. Et les soufis, ils prétendent qu'ils adorent Allah non pas pour obtenir son paradis ou par crainte de son enfer, mais ils prétendent qu'ils l'adorent uniquement parce qu'ils l'aiment seulement. Et ça, c'est faux, c'est incorrect. Hein? C'est pas suffisant d'adorer Allah seulement par l'amour. Il y a certains, par exemple, qui essayent justement de dénigrer le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour et par la crainte. Ils disent, ceux-là, ils adorent Allah comme l'adoration du commerçant, hein, pour un intérêt. Ils veulent le paradis. Ils ont peur de l'enfer. Donc, ils essaient de montrer l'image de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala par espoir en son paradis et par crainte en son enfer, comme l'exemple de celui qui est commerçant. Tu vois. Et ça, c'est de dénigrer les prophètes en réalité. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala décrit ses prophètes et il dit à leur sujet qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala en réunissant ses piliers et ses différentes formes d'adoration. L'amour avec la crainte et pas seulement l'amour toute seule. Et on va voir pourquoi c'est grave de se baser seulement sur l'amour. On va voir pourquoi par la suite, le cheikh il va nous expliquer pourquoi c'est une erreur de se baser seulement sur l'amour pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que les prophètes, eux, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec les deux, avec l'amour et avec la crainte aussi, et avec l'espoir. Donc ça c'est les plus parfaits parmi les hommes. Ils craignaient le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils espéraient en son paradis. يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ فَالَّذِينَ يَقُولُونَ نَعْبُدُ اللَّهَ بِالْمَحَبَّةِ فَقَطْ هَذَا ضَلَالٌ وَغُرُورٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ بِالْخَوْفِ فَقَطْ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَحَبَّةٌ وَلَا رَجَاءٌ هَذَا حَرُورِي من الخوارج. الخوارج هم الذين يقولون أن نصوص الوعيد يقولون نصوص الوعيد ويعتمدون عليها وليس عندهم نصوص وعد ولا رجاء والعياذ بالله. فلهذا يكفرون الناس بارتكاب الذنوب التي دون الشرك من الكبائر لأنه ما عندهم إلا الخوف ما عندهم رجاء، ما عندهم محبة، أو قد يكون عندهم محبة وعندهم خوف، ولكن ما عندهم رجاء، فهذه ليست عبادة. فالذي يعبد الله بالخوف فقط من الخوارج على هذا، هذا على طريقة الخوارج. Donc le cheikh explique, il dit, ça c'est, on a expliqué maintenant ceux qui disaient, les soufis qui disent qu'ils adorent juste Allah par l'amour. Maintenant, il dit ceux qui adorent Allah juste par l'amour, ça c'est de l'égarement, c'est de la tromperie, wal'iyadu billah. Il dit, et il y a également celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par la crainte, uniquement par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'amour, il n'adore pas Allah par l'amour ni par l'espoir. Hein, en sa miséricorde et en son paradis. Et ça c'est le Haruri, c'est-à-dire les Khawarij, une secte parmi les sectes d'égarement qu'on appelle les Khawarij. Eux, ils prennent uniquement les textes de la révélation qui mentionnent la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, la menace de son châtiment, la menace de son enfer, et ils se basent uniquement sur ces textes-là. Et les textes qui mentionnent la promesse du paradis, la promesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'espoir en sa miséricorde et son pardon, ils ne pensent pas à ces textes-là et ils ne les mentionnent pas ou ils ne s'y réfèrent pas. Hein? Ils les laissent de côté. Et c'est pour ça qu'ils déclarent toute personne qui commet des grands péchés comme étant kafir. Pour eux, quelqu'un qui commet des grands péchés parmi les musulmans, malgré qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il applique le tawhid, il croit en le tawhid d'Allah, mais il commet des grands péchés, eux ils disent ça y est, c'est un kafir. Hein? Ils le considèrent comme étant un mécréant parce qu'il fait des grands péchés. Comme par exemple, si un musulman il est tombé dans un grand péché comme le zina ou l'abus de l'alcool, ou il a menti, il a volé, ou bien des choses comme ça, il dit ah, c'est un kafir. A'udhu billah. Je ne peux pas dire que c'est un kafir. À moins que s'il a rendu ce péché-là halal, il a dit, azdina halal, celui qui le rend halal, ça c'est kufr. Celui qui rend l'alcool halal, ça c'est kufr. Celui qui rend le porc halal, il dit c'est halal de le manger, ça c'est kufr. Mais tant qu'il ne le rend pas halal, tu ne peux pas dire qu'il est kafir, même s'il fait ce péché-là. Hein? Tandis que les khawarij, eux, depuis que tu fais le grand péché, tu es considéré pour eux comme étant un kafir. Hein? Et il n'y a pas de pardon, de miséricorde pour eux dans ces cas-là. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils n'ont que la crainte. Ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'amour. Ou il dit, ça se peut qu'ils aient un peu d'amour aussi, ou de l'amour et de la crainte. Mais ils n'ont pas d'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une adoration non plus. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par la crainte seulement, il est donc sur la voie des khawarij, ceux qui font le takfir des musulmans. Hein? Et les khawarij, ils existaient à l'époque des sahaba, et Ali radiallahu anhu, il les a combattus, hein? Même qu'à la fin, il a été tué par un des khawarij lui-même, radiallahu anhu. Il les a combattus, ils les ont... éliminé, par la suite, en s'en allant à la prière de Fajr, il s'est fait tuer par un des Khawarij. Et les Khawarij, quand ils combattaient les Sahaba, ils s'imaginaient qu'ils se rapprochaient d'Allah en tuant les Sahaba. Ça, c'est l'égarement total de ces gens-là. Ils pensaient qu'ils comprenaient mieux l'islam que les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils faisaient le takfir des Sahaba et ils combattaient les sahaba, ils pensaient qu'en faisant ça, ils se rapprochaient d'Allah. Hein? Et il y en a encore même aujourd'hui des gens qui suivent cette même voie que les khawarij, à différentes époques, à différents endroits, avec différents noms. Ils font le takfir des dirigeants, ils appellent à la rébellion contre les dirigeants, et ils font le takfir des musulmans qui commettent des grands péchés. Et ils reviennent à chaque époque. Ils réapparaissent à chaque époque. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, il a mis en garde contre eux. Il a dit des choses à leur sujet, qui font réellement peur quand on les écoute et quand on les entend. Hein? Donc, ça c'est la voie des khawarij. Et donc c'est une voie d'égarement, il faut faire attention à cette voie-là. Il faut faire attention à la voie des soufis, il faut faire attention à la voie des khawarij. Donc, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala juste avec la crainte, et on n'adore pas non plus Allah subhanahu wa ta'ala juste avec l'amour. Hein? Il y a aussi ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ceux qui se basent sur l'amour aussi, il y a les chrétiens, hein? L'exemple des chrétiens. Et toujours on remarque qu'il y a une ressemblance entre les chrétiens et les soufis, tout le temps, parce que les soufis ils pensent toujours vers les chrétiens, l'exemple des chrétiens, et ils suivent les chrétiens. Et déjà même qu'à la base, on dit pourquoi on les appelle des soufis, il y a différentes explications, mais celle qui est plus probable linguistiquement, c'est que ça vient de la laine, hein, à souf. Ça. Pourquoi? Parce qu'ils portaient des vêtements de laine pour imiter les moines chrétiens qui portaient de la laine. Hein? Donc, on voit que chez les soufis, il y avait beaucoup, hein, même si aujourd'hui les soufis ne portent pas nécessairement de la laine, mais ce nom-là est resté, et on voit qu'il y a toujours cette tendance à vouloir ressembler aux chrétiens dans leur pratique et dans leur croyance aussi. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous voyez même les chrétiens, ils encouragent les musulmans à être sur la voie des soufis. Et quand vous allez dans les librairies, même des kuffars, il y en a, et ils ont une section sur les livres de la religion islamique, hein, des livres sur l'islam, où il y a toujours des livres, c'est écrit par des soufis. Et ils parlent toujours de cette tendance-là comme étant celle qu'ils préfèrent parce que ça permet à quelqu'un de faire ce qu'il veut, de suivre ses passions et ses désirs. Donc, ça c'est ceux qui adorent avec l'amour. Vous voyez les chrétiens toujours en train de parler de l'amour, hein, l'amour de Dieu. Hein. Et ils ne parlent que de l'amour de Dieu, ils ne parlent jamais de sa colère ou de sa justice. Hein, ou de son châtiment, ou de le craindre, hein, jamais. Que l'amour. Et c'est pour ça que vous voyez que dans les sociétés chrétiennes, les gens, ils se noient dans les péchés, dans la désobéissance d'Allah. Hein, et ils font les pires crimes. Et ils délaissent complètement même la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, nous on se base sur l'amour. Hein. Et les autres, c'est l'autre extrême, les khawarij, ils se basent que sur la crainte. Hein? Ils disent non. Yani, si tu fais un péché, ça y est, c'est fini, tu vas aller en enfer pour l'éternité. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence de ça? La conséquence, c'est qu'ils tombent encore plus dans le péché par la suite. Parce qu'ils se disent, puisque je suis fini, c'est-à-dire puisque j'ai commis des grands péchés et que je vais aller dans l'enfer pour l'éternité et que j'aurai pas la miséricorde d'Allah, et que j'aurai pas le pardon d'Allah, alors je vais continuer comme ça, jusqu'au bout. Hein? Je vais aller à l'extrême de la désobéissance. Puisqu'il n'y a pas de pardon, puisqu'il n'y a pas de miséricorde, je vais continuer. Hein? C'est comme l'homme, par exemple, qui avait tué 99 personnes. Il est allé voir un abid, une personne qui est un adorateur. Il lui a dit, est-ce que j'ai une tauba? Est-ce que j'ai une repentance? Est-ce que je peux me repentir? Eh bien, le abid lui a dit non, toi tu es condamné, c'est sûr, tu vas en enfer. Tu as tué 99 personnes, a'ouzou billah. Personne va te. Il n'y a pas de pardon pour toi, il n'y a pas de tauba, c'est fini. Et il l'a tué. Hein? Déjà, s'il avait un petit peu de raison, il aurait réfléchi, hein, avant de répondre à une personne comme celle-là qui lui avoue, hein, directement qu'il a tué 99 personnes. Le minimum de raison, c'est de réfléchir avant de répondre. Tu fais attention. Soit tu dis je sais pas, ou bien tu essaies de trouver une façon pour te sauver. Tu pars en courant, yani. Hein? Mais non, lui, il a répondu avec son ignorance. Il a dit non, t'as pas de tort, ben, il s'est fait tuer. 99, c'est devenu 100 maintenant. Eh ben, après, il a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un savant, quelqu'un qui peut me répondre? On lui a indiqué un alim. Hein, il est parti le voir, un savant de l'islam, quelqu'un qui a du ilm dans la religion d'Allah. Et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que j'ai une repentance? Donc, parce que lui, il s'est dit, puisque j'ai pas de pardon, puisque je peux pas celui-là, le abid, il m'a dit, j'ai pas de repentance. Tant pis alors, puisque j'ai tué 99, je vais continuer ça, puisque j'ai pas de pardon, donc ça changera rien. Hein. C'est comme des gens qui vont en prison parmi les koufars, par exemple, ils croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient pas en l'akhira. Ils ont tué dans cette dunya des gens, ils ont été condamnés à prison à vie. Ok, une fois en prison, ça les dérange pas de tuer, de continuer à tuer des gens à l'intérieur et de tuer d'autres prisonniers. Je peux pas avoir plus, une plus grosse peine que la prison à vie. Donc, ils se permettent de faire n'importe quoi encore plus. Donc ça c'est l'exemple. Donc quand il est allé vers le alim lui a dit, oui, il y a une tawba pour toi. Il y a une repentance. Hein? Il y a une possibilité d'une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Parce que lui, il avait du ilm, il connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que c'est pas que la crainte, que l'adoration, non. Il y a aussi un pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui commettent des péchés, hein, et qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, « Ya ibadi alladhin, qul ya ibadi alladhin asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. » Innahu huwa al-ghafur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh toi mon serviteur qui a transgressé contre lui-même, qui a exagéré contre lui-même, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. Certes, c'est lui le miséricordieux et le pardonneur. Donc il y a une possibilité de miséricorde et de pardon. Et donc il lui a dit que pour se repentir, il devait quitter l'endroit où il était et aller vers un endroit où les gens adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il devait faire la hijra, quitter le pays où les gens désobéissent à Allah, quitter l'endroit où les gens font les péchés et aller vers l'endroit où les gens obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et adorent Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Donc, de faire la hijra, hein, d'abandonner le kufr et le shirk et les péchés et aller vers l'obéissance et l'adoration. Donc ça c'est pour comprendre cet exemple-là. Hein? Donc il faut, c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Donc il dit « الأول الذي يعبد الله بالمحبة فقط على طريقة الصوفية والثالث الذي يعبد الله بالرجاء فقط وهذا غلط وهذا على طريقة المرجئة الذين يأخذون بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية ما دام الإنسان عنده أصل المحبة والعقيدة في الله فالأعمال لا تدخل في الإيمان يعمل الطاعات أو ما يعمل هذا يعني أو ما يعمل هذا كامل الإيمان عندهم ينسون نصوص الوعيد قال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ينسون هذه فهم أخذوا طرفا وتركوا طرفا فلا بد أن تكون العبادة مبنية على هذه الأمور الثلاثة المحبة والخوف والرجاء ولهذا يقول ابن القيم وعبادة الرحمن مع ذل وعبادة الرحمن معه ذل والذل فيه الخوف والرجاء مع ذل عابد يقولون من أحب شيئا ولم يذل له ليس عابدا له. Donc le cheikh explique qu'il y a un autre groupe également, le troisième, c'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par l'espoir et ce sont les murji'a. Ils prennent uniquement les textes de la promesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils se basent uniquement sur les textes de la promesse de sa miséricorde et ils abandonnent les textes de la menace. Et ils disent, ces gens-là, que du moment que tu as la foi, peu importe le péché que tu fais, ça ne peut pas l'affecter. Ça ne peut pas affecter ta foi. Hein? La foi pour eux, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, elle reste toujours complète et parfaite. Elle ne diminue pas. Hein? Donc, pour eux, yani, les actions que tu fais n'entrent pas dans la foi. Donc, quelqu'un qui commet des péchés, pour eux, il est toujours complet dans sa foi. Hein? Et il laisse de côté les textes qui parlent de la menace comme de l'enfer, hein? Ainsi de suite. Et vous allez remarquer en même temps que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran de l'enfer, tout de suite après, il mentionne le paradis. Et quand dans un verset, par exemple, il parle du paradis, tout de suite après, il parle de l'enfer. Pour que les gens restent toujours dans l'équilibre et qu'ils ne tombent pas dans l'exagération et dans l'extrême d'un aspect de l'adoration plus qu'une autre. Que les gens ne perdent pas l'espoir en la miséricorde d'Allah et pour que les gens ne se reposent pas uniquement sur l'espoir en sa miséricorde et en son pardon. Donc vous allez voir des catégories de personnes parmi les gens qui sont musulmans aujourd'hui qui disent par exemple quand on les appelle à faire la salat ou à établir certaines adorations dans l'islam, ils vont dire par exemple ou bien si ce sont des musulmans qui commettent certains péchés et que tu leur rappelles par exemple que ces péchés là c'est quelque chose qui est haram, ils vont te dire par exemple al-iman fil qalb, al-iman fil qalb, yani laisse moi faire ce que je veux, hein? Ou bien c'est à dire même si tu me vois que je fais pas qu'est-ce que je suis supposé de faire, je fais pas la salat, je fais pas le ramadan, hein, ou bien je bois de l'alcool, ou je fais d'autres péchés, mais dans mon cœur je suis bon. Hein. Il dit avec sa langue que son cœur est bon. Puis dans ses actions, il contredit la réalité de qu'est-ce qu'il prétend. Donc ça c'est l'erreur des Murji'a. Pourquoi? Parce que pour eux la foi c'est seulement dans le cœur, tandis que selon les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont dit que la foi, c'est pas seulement ce qui est dans le cœur, c'est aussi les actions et les paroles. Parce que si quelqu'un a réellement la foi, c'est sûr que cette foi-là va le pousser à agir. Hein? Si quelqu'un dit par exemple, moi je crains Allah, donc il va s'écarter des péchés. Si quelqu'un dit, moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, ça va le pousser à établir la salat et à faire les actes d'obéissance. Donc, c'est toujours dans l'équilibre et entre les deux. Si tu vois que les gens sont en train de faire des péchés et des désobéissances, tu te concentres avec eux sur la crainte pour qu'ils sachent qu'ils doivent abandonner ces péchés-là. Et si tu vois que ce sont des gens qui sont portés vers l'adoration, à l'ibada, donc là tu leur rappelles la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois il y a des gens par exemple, c'était des gens très très pratiquants dans l'islam, très forts. Du moment qu'ils ont commis une faute ou une erreur, ils ont tout abandonné la pratique d'un seul coup. Et ils sont devenus des pécheurs par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah. Ils ont pensé que si tu faisais une faute, ça y est, c'est fini pour toi. Non. Si tu fais un péché, hein, tu demandes pardon à Allah et tu reviens, hein, et tu te corriges. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc, ces gens-là qui parlent, ils disent « Al-Iman fil qalb », chaque fois qu'ils font des choses qui sont interdites, ils disent « Allah ghafurun rahim » tout le temps. « Allah ghafurun rahimun » Et c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafurun rahim, mais en même temps aussi, il est shadidul iqab. Et il est juste. Hein? Il punit selon sa justice celui qui le mérite. Hein? Donc ça, c'est l'équilibre dans les questions de l'adoration. Donc il ne faut pas exagérer dans un côté ou exagérer dans l'autre. Donc il faut avoir l'amour, il faut avoir la crainte, il faut avoir l'espoir. Et le cheikh par la suite, il mentionne donc justement une parole du cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyyah à ce sujet-là, dans lequel il mentionne justement qu'il faut, pour adorer Allah, avoir l'humilité et la crainte. Hein? L'humilité et la crainte. Donc le cheikh, il dit « وَالرَّجَى مَعَ ذُلِّ عَابِدٍ يَقُولُونَ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا وَلَمْ يَذُلَّهُ لَيْسَ عَابِدًا لَهُ » الإنسان يحب المال ويحب الزوجة ويحب الأولاد ولكن لا يذل لهم فليست هذه عبادة. محبة الزوجة محبة المال هذه محبة طبيعية ما تدخل في العبادة لأنه ليس معه ذل ولا خضوع. وكذلك من خضع لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له فقد يخضع الإنسان للجبابرة والطواغيت خوفا من شرهم ولكن لا يحبهم لكن فعل هذا من باب الإكراه ودفع شرهم عنه. هذا لا يسمى عبادة. Donc le cheikh explique, il dit que quelqu'un peut aimer l'argent, quelqu'un peut aimer son épouse, quelqu'un peut aimer ses enfants, sans qu'il s'humilie ou qu'il se rabaisse devant eux. Donc dans ce cas-là, on dit pas que cet amour-là c'est une adoration. Parce que pour que ce soit une adoration, il faut que les deux choses soient présentes. L'amour et l'humilité, le fait de se rabaisser, hein, et la crainte ensemble aussi. S'il n'y a pas les deux, on ne dit pas que c'est une adoration. Donc le fait d'aimer, par exemple, son épouse, ou d'aimer ses biens, ou d'aimer ses enfants, c'est un amour qui est naturel. Et c'est quelque chose qui est naturel, donc ça ne rentre pas dans l'adoration. Parce qu'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de soumission là-dedans. Donc. Et de la même façon que celui, par exemple, qui se soumet à quelqu'un parce qu'il le craint et il ne l'aime pas. Ça non plus, ce n'est pas de l'adoration. Comme par exemple, quelqu'un qui a peur d'une personne qui est tyrannique ou une personne qui est injuste. Il a peur du mal qui peut lui arriver de la part de cette personne, et donc il l'obéit et il se soumet à lui par contrainte, sans l'aimer. Ça non plus, ce n'est pas de l'adoration. Hein? Pour que ce soit de l'adoration, il faut que ces deux choses soient réunies. L'amour avec la crainte, hein? Et l'humilité et la soumission. Donc. Hein? Après, le cheikh, il dit... إذا خضع لهم ولم يحبهم بقلبه بل يبغضهم ويبغض ما هم عليه ويقاطعهم بقلبه إنما يطيعهم في الظاهر من باب دفع المكروه أو من باب الإكراه فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن عابدا له فمن ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له فلا يكون عابدا حتى يجمع الحب مع الذل غاية الحب مع غاية الذل وهذا لا يكون إلا لله. Donc le cheikh il explique donc que si tu te soumets à quelqu'un tout en le détestant, tout en le craignant, dans le sens que tu te soumets à lui mais en même temps tu le détestes. Et tu te soumets à lui en apparence parce que tu as peur d'un mal qu'il peut te faire, sans l'aimer. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas une adoration. Et celui qui aime quelqu'un et qui ne se soumet pas et qui ne se rabaisse pas devant lui, alors lui non plus, il n'est pas un adorateur. Donc il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait l'amour et l'humilité et le fait de se rabaisser devant la chose pour qu'on soit considéré comme un adorateur de cette chose, et ça c'est uniquement valable si on le fait pour Allah seul. Si on se soumet à quelqu'un avec l'amour et l'humilité comme on doit le faire uniquement pour Allah, on le fait pour une créature, ça veut dire qu'on a adoré cette créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on est tombé dans le shirk dans ce cas-là, et là c'est bien entendu, c'est le plus grand péché. Donc le cheikh il dit ايها الاخوه ثم لنكن على حذر الانسان ياتي بعبادات وياتي باعمال جليله وتتوفر فيها الشروط الصحيحه ولكن يسلط عليها مبطلات والعياذ بالله فتذهب عليه كما جاء في الحديث ان قوما ياتون يوم القيامه باعمال امثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فنيت حسناته قبل أن يقضي عليه أخذت من سيئاته أخذت من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار وهو الذي أبطل عمله بالظلم والتعدي بظلم الناس وأخذ حقوقهم وبخس أموالهم وغشهم وخداعهم حتى لو سلم في الدنيا الغاش والكذاب والمحتال لو سلم في الدنيا وأفلت من العقوبة لم يسلم في الآخرة غرماؤك على الطريق أمامك بالمرصاد يأتون يوم القيامة فيأخذون من أعمالك وقد لا يبقى لك شيئا فتصبح مفلسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم قال المفلس من يأتي بأعمال يوم القيامة من يأتي بأعمال يوم القيامة فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث هذا هو المفلس donc le cheikh explique il dit oh mes frères vous devez et on doit également faire attention d'une chose par rapport à notre adoration il dit que il se peut que l'homme fasse beaucoup d'adorations et que ces adorations soient grandes et en même temps qu'elles respectent toutes les conditions pour qu'elles soient correctes et acceptables. Toutefois, le fait qu'il a commis certains péchés, ça peut venir faire annuler toutes ces œuvres-là. Ça peut lui faire perdre toutes ses valeurs et toutes ses hasanats. Comme c'est mentionné dans le hadith dans lequel on dit que quelqu'un arrive au jour de la résurrection avec des œuvres qui équivalent à aux montagnes en quantité. Il vient avec des grandes œuvres qu'il a accomplies. Mais il a frappé un tel. Il a pris les biens. En anglais, en arabe, on dit al-mal. Donc, il a pris al-mal, c'est-à-dire il a pris les richesses ou l'argent ou les biens de quelqu'un. Ou il a insulté quelqu'un. Hein? Donc, ce jour-là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive au jour du jugement, il a plein de bonnes œuvres, plein de hasanat. Il dit, ça y est, je suis sauvé. Puis, il a oublié qu'il avait frappé des gens, il avait fait de l'injustice, il avait volé, il avait insulté des gens, il avait parlé dans le dos des gens, il avait répandu des rumeurs contre des gens qui sont fausses. Alors, qu'est-ce qui arrive ce jour-là? On va prendre de ses bonnes œuvres. C'est-à-dire, les gens contre qui la personne avait fait du tort ou avait fait du mal, vont venir se servir dans ses hasanats. Vont venir se servir dans ses hasanats, dans ses bonnes œuvres. Et si, à la fin, toutes ces personnes ont pris tout ce qu'il avait comme hasanat et il ne reste plus rien, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont prendre de leur péché à eux pour s'en débarrasser et la mettre dans la balance de cette personne. C'est-à-dire, si par exemple, la personne qui a fait du tort aux autres, elle n'a plus de hasanat parce qu'ils ont tout pris, donc qu'est-ce qui va arriver pour compenser puisqu'il n'a plus rien pour payer? Eh bien, les autres vont se débarrasser de leur péché à eux et le mettre dans sa balance à lui, hein, pour s'alléger eux-mêmes. Hein? Donc c'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, dans cette dunya, tu vois que quelqu'un, il te fait de l'injustice, quelqu'un, il te fait du mal dans cette dunya, il parle contre toi, ou il dit des choses contre toi, ou il te fait de l'injustice, une injustice quelconque, et qu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi que tôt ou tard, un jour ou l'autre, il y aura injustice. Si ce n'est pas dans cette dunya, ce sera dans al-akhira. Hein? Donc, il faut être patient, yani. Donc, ces gens-là à qui on a fait de l'injustice, ils vont prendre de leur péché, ils vont le mettre dans la balance de cette personne, et après, on va prendre cette personne qui a fait l'injustice aux autres, et on va le jeter en enfer. Hein? En réalité, c'est lui qui a annulé la valeur de ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il a fait de l'injustice aux autres, il a transgressé contre les autres. Il a pris les droits qui revenaient aux autres. Il a enlevé les richesses ou les biens des autres. Il les a trompés. Il les a trahis. Même s'il s'en est sorti dans la dunya. Il y a des gens, par exemple, ils réussissent à faire du mal aux gens dans cette dunya, puis après ils s'en sortent sains et saufs, c'est-à-dire ils n'ont pas de punition, ils se font pas attraper par la police, ils se font pas juger, ils se font pas amener en cour par les personnes qui ont été maltraitées ou qui ont été opprimées ou brimées dans leurs droits par cette personne. Donc, ils se pensent à l'abri. Ils disent, ah, j'ai pas été puni, j'ai pas été attrapé par la police, j'ai pas eu de problème avec la loi, donc je suis correct. Je vais arriver, hein, sain et sauf. Le cheikh, il dit, ne pense pas que si tu t'en es enfui de la punition dans cette dunya, si tu t'es échappé de la punition dans cette dunya, pense pas que ceux à qui tu as fait du tort t'ont oublié ou vont te laisser. Au contraire, ils t'attendent sur le chemin au jour de la résurrection et ils sont aux aguets pour t'attraper, yani, au jour de la résurrection et prendre de tes œuvres. Et ça se pourrait même que par la suite, il ne te reste plus rien et que tu deviens comme quelqu'un qui a fait faillite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-muflis, tu deviens muflis. Hein? Muflis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a fait faillite, il ne lui reste plus rien. Il n'a plus rien. Et ça, c'est dans la signification de muflis dans la dunya. Hein? Et c'est pour ça qu'ils ont posé la question au le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question aux sahaba. Est-ce que vous savez qui est le muflis? Est-ce que vous savez qui est celui qui a fait faillite? Hein? Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, chez nous, hein, ou bien pour nous, celui qui a un muflis, c'est celui qui n'a plus un sou, celui qui n'a plus d'argent, il ne reste plus un centime. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, il leur a dit, non, le vrai muflis, c'est qui? C'est celui qui arrive au jour de la résurrection et il a beaucoup de bonnes œuvres. Et il avait fait de l'injustice à un tel, et il avait frappé un tel, il avait pris les biens d'un tel. Hein? Et donc, le vrai mouflis, c'est celui-là. Parce qu'il perd tout, ce jour-là. Et ça, c'est le jour où il en a le plus de besoin. Hein? C'est le jour où il en a le plus de besoin, et il n'a pas de possibilité d'en refaire d'autres. C'est pas comme le mouflis dans cette dunya. Hein? Si quelqu'un il fait faillite dans la vie d'ici-bas, il peut toujours essayer de se reprendre, de recommencer le commerce, puis de repartir à zéro, puis de refaire de l'argent par la suite. Mais le mouflis, au jour de la résurrection, il n'a pas d'opportunité comme ça. Il ne peut pas se reprendre. La dunya, c'est le terrain pour travailler, et l'akhira, c'est le terrain pour récolter ce que tu avais semé. Et donc, si tu es mort, c'est fini maintenant. Donc le cheikh dit, هذا هو المفلس تروح أعماله يوم القيامة للغارمين مثل الإنسان الذي عنده مال في الدنيا ولكن عليه طلبات أكثر مما عنده يجيء الغريم ويأخذ ويأتي الآخر ويأخذ وحتى يصبح مفلسا المفلس يعني ما يملك فلسا أخذ الغرماء ديونهم منه فهو مفلس ما عنده شيء كذلك في الآخرة هذا يجيء بأعمال كثيرة وهو غني وهو غني فيها ولكن تروح للمظلومين كذلك الإنسان قد تكون عنده أعمال صالحة كثيرة ولكن يتكلم بسبب بسب وشتم يشتم لسانه فلسانه يحسب يعني يحسب حسناته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله قال يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Donc le cheikh il explique, donc il répète ce qu'il avait dit tout à l'heure par rapport au mouflis, et il dit donc que la personne donc qui surveille pas sa langue et qui insulte un tel, hein, et qui parle contre un tel, ainsi de suite, ce jour-là, il risque de le regretter. Sa langue lui fait perdre toutes ses hasanates. Regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à Mu'adh ibn Jabal, et que Mu'adh lui pose la question, ô messager d'Allah, est-ce qu'on va être pris pour compte pour ce qu'on dit avec notre langue, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, hein, malheur à toi, ô Mu'adh, saqulat ka ummuk, hein, c'est une expression en arabe. Ô Mu'adh, est-ce que tu penses que les gens vont être jetés dans l'enfer sur leur nez ou sur leur visage, excepté pour ce que leur langue a récolté? Donc, si les gens sont jetés dans l'enfer sur leur visage ou sur leur nez, c'est à cause de ce que leur langue ont récolté. Et les gens, ils ne réalisent pas. Ils pensent que quand ils parlent ou ils insultent les gens et qu'il n'y a pas de conséquences dans cette dunya, ils pensent qu'ils se sont échappés du châtiment et que tout va bien par la suite. Donc, le cheikh dit à l'insan, yusalli wa yasum wa yahujj wa ya'malu a'malan kathira, walakin ma yahfazu lisanahu min al-ghibati wa al-namima min al-shatmi من السب من قول الزور فيكون لسانه يجني عليه مثل الكلب العقور إذا ربطه ومسكه سلمت من شره وإلا إذا أطلقته فإنه يضرك ويضر غيرك اللسان هو كذلك فالواجب على الإنسان إنه يحفظ لسانه من الكلام الذي لا يكون عليه من ظلم الناس والتعدي عليهم ولا يغيب عنكم الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا أن رجلا كان يأتي المعاصي وهناك رجل ينصحه وينكر عليه فلما تكرر هذا الرجل فعل المعاصي ولم يتب أخذ القنوط هذا الناصح والعياذ بالله أخذه القنوط أو القنوط وقال والله لا يغفر الله لفلان قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أن يحلف على أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك بكلمة واحدة أحبطت جميع أعماله لأنه أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique, il dit, quelqu'un peut prier, il peut jeûner, il peut faire le hajj, il peut faire plein de bonnes œuvres, mais il ne préserve pas sa langue. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit avec sa langue, il parle dans le dos d'un tel, il répand des fausses rumeurs, il insulte, hein? Il insulte les gens et il fait des faux témoignages. Et donc, il fait du tort, il se fait du tort à lui-même avec sa langue. Il dit, c'est comme le chien, hein, un chien qui est dangereux, il y a aussi un chien féroce, il y a un qui veut attaquer tout le monde. Si tu le prends, tu l'attaches, tu vas être sauvé et les autres aussi de ce mal, du mal de ce chien. Mais si tu le laisses libre, il va mordre tout le monde, il va commencer à faire du mal à tout le monde. Ta langue, c'est comme ça. Il faut que tu la retiennes, tu la tiennes en laisse, pour pas que tu la permettes ou que tu la laisses commencer à faire du mal aux gens ou à parler contre les gens. Ça, c'est bon pour les hommes, mais aussi en particulier pour les femmes. Parce que souvent, Allahul Musta'an, même si elles n'ont pas la force physique des hommes pour faire du mal, elles ont la force de la langue, parfois. Et elles sont très souvent, Allahul Musta'an, parfois elles se laissent aller avec la langue et avec les rumeurs, Allahul Musta'an, et le fait de parler dans le dos. Hein? Et ça s'est répandu à notre époque. Encore plus avec les moyens de communication qui sont le téléphone et tous les trucs. Il y a des femmes, elles passent les journées au téléphone. Et en particulier dans le ramadan, Hein, le professeur Sam, il nous a dit de faire encore plus attention à notre langue, encore plus dans le Ramadan que dans le reste de l'année, parce que c'est pas le jeûne, c'est pas juste de dire je mange pas, je bois pas et je m'abstiens de mes désirs. Non, tu dois aussi t'abstenir de parler contre les gens et de faire des péchés, ainsi de suite, pour que ton jeûne soit valable. Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, donc, il dit, si tu préserves pas ta langue de transgresser et de faire du mal aux gens et de l'injustice, donc tu risques gros en réalité comme conséquence. Et il dit, regardez par exemple l'exemple, il dit sûrement que vous le connaissez, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'exemple des gens qui étaient avant nous parmi les peuples qui nous ont précédés. Il y avait deux hommes. Ils étaient, il y en a deux amis, mais il y en a un qui était très fort dans l'adoration. Mujtahid fil ibada, il faisait beaucoup d'adoration, et l'autre, il faisait des péchés, il se laissait aller à ses désirs. Et à chaque fois que cet homme qui était très pieux voyait l'autre qui était en train de commettre des péchés, il lui disait « arrête de faire les péchés, arrête de faire les péchés » à chaque fois. Et ça, c'est ce qui est obligatoire pour le musulman. Quand il voit son frère en train de désobéir à Allah, il lui ordonne le bien et lui interdit le mal. Ça, c'est normal, ça, c'est correct. C'est pas pour ça que on le blâme dans ce hadith. On le blâme dans ce hadith parce que, à un moment donné, il a vu son compagnon qui continuait à faire le péché, hein, et qui ne se repentait pas, et il a perdu l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et il a dit, par Allah, je jure qu'il ne te pardonnera jamais. Celui qui adorait Allah et qui craignait Allah, il a dit à celui qui faisait des péchés, je jure par Allah que Allah ne te pardonnera jamais. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à celui qui faisait de l'adoration, hein, c'est qui celui qui jure, hein, par moi que je ne vais pas pardonner un tel, hein? Est-ce que c'est toi qui décides pour moi, hein? Tu jures par moi que je ne vais pas décider, que je ne vais pas pardonner à un tel ou un autre. Est-ce que c'est toi qui décides pour moi qui je vais pardonner, qui je ne vais pas pardonner? Il dit, je l'ai pardonné celui-là. Celui à qui tu avais dit, je ne vais pas le pardonner, je l'ai pardonné maintenant. Et l'autre, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, il a dit, toi, j'ai annulé tes œuvres. Donc celui qui faisait les péchés, Allah lui a dit, Ghafartu lak. Et l'autre, il dit, toi, t'as plus de bonnes actions. Pourquoi? À cause d'une seule parole qu'il a dit. Parce qu'il a eu une mauvaise manière envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas parlé d'Allah avec respect. Il s'est élevé devant Allah subhanahu wa ta'ala en jurant par Allah de quelque chose dont il n'a aucune connaissance. Hein? Donc tu ne peux pas dire, Allah ne va pas te pardonner, je te le jure. Hein? Et donc, ça c'est dangereux et c'est grave. Une seule parole que tu dis parfois, une seule parole comme ça, et puis, à cause de ça, tu perds ta dunya et ton din, et ton akhira. Tu perds tout, à cause d'une parole. Quelqu'un peut dire une parole de kufr avec sa bouche, c'est une seule parole. Il perd dunya ou l'akhira. Il perd tout, à cause d'une seule parole. Hein? Quand, par exemple, les chrétiens disent Isa ibn Allah, Jésus c'est le fils d'Allah, par exemple. Ça c'est juste une parole. Quelqu'un dit, oh, mais c'est juste une parole. Oui, mais c'est une parole de kufr et de shirk. Celui qui l'a dit, ça y est, c'est fini pour lui. Hein? De même que celui qui dit La ilaha illallah, c'est juste une parole. Mais cette parole, hein, c'est la meilleure de toutes les paroles, c'est la parole du tawhid. Et elle te fait rentrer au paradis. Elle efface tous tes péchés si tu le dis avec connaissance et tu y crois. Donc la langue, c'est très important, il faut faire très attention. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit justement, quelqu'un peut dire une parole qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui donne aucune importance, et à cause de cette parole il est jeté dans l'enfer, hein? et l'autre il prononce une parole qui amène l'agrément d'Allah. Il ne lui donne aucune importance. Et à cause de cette parole, il est élevé dans les plus hauts degrés hein, du paradis. Donc ça, c'est important. Donc le cheikh, il dit, « Hatta al-kuffar » Wallahu la yaghfir Allahu li fulan, man alladhi yamna'u Allahu an yaghfir lil-muznibin. Hatta al-kuffar, idha tabu, tab Allahu alayhim. Man alladhi yamna'u Allah? Man alladhi يقنط من رحمة الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui qui fait des péchés, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, peut-être que demain il va être meilleur que toi, peut-être que demain il va être dans les premiers rangs dans la mosquée. Puis toi peut-être, Allah al-musta'an, sallallahu al-afiya, peut-être que toi tu vas être pire que lui par la suite. Donc quand tu es sur le droit chemin, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur le droit chemin et fais des doigts pour ceux qui sont égarés, pour que Allah les guide et essaie de leur rappeler le bien. Et quand tu donnes la nasiha à ton frère, tu donnes la nasiha à ton frère en ayant la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu veux du bien pour cette personne. D'accord? Et donc, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide cette personne. Donc, tu peux pas, comme cette personne, elle a juré qu'Allah n'allait pas pardonner un tel ou un tel. Eh bien, qui peut empêcher Allah de pardonner s'il veut pardonner? Il dit même Allah, s'il veut pardonner aux koufars, il va leur pardonner. Hein? Si les koufars se repentent, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentance. Qui va empêcher Allah d'accepter leur repentance? Hein? Mais il dit donc il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il lui mentionne le verset 53 et 54 dans surat Az-Zumar qu'on a mentionné tout à l'heure. Il dit « Oh mon serviteur qui a dépassé la limite contre lui-même et qui a fait des péchés contre lui-même, hein, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. » Et retournez vers lui, vers votre Seigneur, repentant et soumettez-vous à lui. Donc, on ne doit pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on a fait des grands péchés, on ne doit jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, juste pour vous donner un exemple, yani, ma mère, rahimahallah, elle est décédée dernièrement. Alhamdulillah, elle est morte sur l'islam. Elle est morte musulmane. Elle a été enterrée dans les cimetières des musulmans. Elle s'est convertie 2 ans après moi. Et au début, quand je lui ai parlé de l'islam, elle m'a dit, je ne vais jamais changer ma religion. En voulant dire, je ne vais jamais devenir musulmane. Au début, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis pourtant, alhamdulillah, 2 ans par la suite, elle est devenue musulmane. Mais quand elle m'a dit, je ne vais jamais changer ma religion, je n'ai pas dit, ah ça y est, je ne lui parle plus, je ne veux rien savoir d'elle. Non, j'ai continué à lui parler de temps en temps, à chaque fois. Et même que des fois, c'était elle-même qui venait me demander des questions sur l'islam. Et par la suite, elle s'est convertie à l'islam. Maintenant, alhamdoulilah, elle est retournée donc à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est décédée. Et tout le temps, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il la pardonne. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas perdre l'espoir, même si ton père ou ta mère sont des koufars, hein, ils sont dans l'égarement. Même si ton père et ta mère font du shirk, même si ton père et ta mère font des bid'ah, font des péchés, ne perds pas l'espoir pour tes parents. Dis pas, ça y est, mes parents ne veulent rien savoir. Hein, ils sont égarés, perdus, je ne veux rien savoir. Non. Peut-être aujourd'hui ils sont comme ça. Fais des doigts, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah les guide, hein, et fais-leur la da'wah doucement, gentiment, avec le temps. Et peut-être que, inshallah, dans quelques temps, tu vas voir, Allah va changer leur cœur. Même à l'époque des sahaba, il y a une femme, son fils est devenu musulman, c'était un des sahaba. Elle a dit à son fils, tant que tu vas pas quitter l'islam, je vais pas manger, je vais pas boire. Comme ça, je vais mourir et les gens vont dire, celui-là, il a tué sa mère, hein, parce qu'il n'a pas voulu l'écouter. Et donc, le sahabi, il a dit, oh ma mère, Hein, parce qu'après plusieurs jours, il a vu que sa mère mangeait plus, elle buvait plus. Il a dit, oh ma mère, il dit, même si tu avais 100 vies et que tu les perdais toutes une après l'autre, je n'abandonnerai jamais ma religion. Alors mange et bois. Et il est parti. Et plus tard, hein, quand il est revenu, sa mère a accepté l'islam. Parce qu'elle a vu qu'il était déterminé, qu'il avait une fermeté dans sa foi, qu'il était convaincu. Et elle a su que son fils, hein, avait accepté la vérité. Et donc, elle a accepté l'islam par la suite. Donc ça, c'est des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Il y a l'exemple de la mère de Abi Huraira, hein, radiyallahu anhu. Elle était contre l'islam, elle n'aimait pas l'islam. Quand Abu Huraira est parti, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma mère, elle parle contre l'islam, elle parle contre toi, elle ne veut pas se convertir à l'islam, et ainsi de suite. Et quand il est rentré chez lui, elle avait fait son rôle, elle avait accepté l'islam. Il y a un frère de la France, qui m'a contacté un jour, il m'a dit, ma mère s'est convertie à l'islam. Lui, il était musulman depuis plusieurs années. Il dit, ma mère s'est convertie à l'islam, elle ne me l'avait même pas dit. Elle s'était convertie à l'islam en cachette, elle ne l'a pas dit à mon père, elle ne voulait pas le dire à mon père, parce qu'elle avait peur de sa réaction. Et là, j'écoutais ma mère parler, et je voyais qu'elle disait des paroles comme des paroles de l'islam, et qu'elle parlait comme les gens qui croient en l'islam. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, est-ce que tu es musulmane? Et elle a dit, oui, je me suis converti à l'islam, mais ne le dis pas à ton père. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Il ne faut pas perdre l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pardonner les péchés, même si ce sont des grands péchés, tant que la personne, elle se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, At-tawbah, تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. La repentance, elle efface tout ce qui est venu auparavant. Il dit, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. سبحان الله. من الكفر ومن الشرك وقتل المسلمين فلو تابوا غفر الله لهم. إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. وَإِنْ يَنْتَهُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Cheikh, il mentionne un verset dans Sourate Al-Anfal, le verset 38, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis aux gens qui ont mécru, s'ils cessent leur mécréance et leur shirk, tout ce qu'ils avaient fait comme péché et comme crime leur sera pardonné. Subhanallah. Le Cheikh, il dit Subhanallah. Hein? De la mécréance, Allah leur pardonne. Du shirk, Allah leur pardonne. D'avoir tué les musulmans, Allah leur pardonne. Hein? Donc, s'ils acceptent l'islam, Allah les pardonne tout ce qu'ils ont fait auparavant. Même les juifs, par exemple, en Israël maintenant, qui tuent les musulmans, qui volent la terre des musulmans, s'ils acceptent l'islam, qui disent « La ilaha illallah », Allah leur pardonne tout ce qu'ils ont fait comme injustice. Tout. Ils deviennent comme s'ils étaient comme quand ils sont nés. Sortis du ventre de leur mère. Hein? La personne qui est kafir, mushrik, du moment qu'elle accepte l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés. Regardez par exemple, hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Hind, hein, radiyallahu anha, elle a fait tuer Hamza, hein, et elle détestait l'islam et les musulmans. Et après, elle s'est convertie à l'islam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui, elle, il faut la tuer parce qu'elle a causé la mort d'un des grands musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand tu dis là, ilaha illallah, tu te convertis à l'islam, tout ce que tu as fait auparavant, avant l'islam, tu as tué des musulmans, tu as fait des crimes, tu as fait des meurtres, hein, tu as volé, tu as fait des injustices envers les hommes, tu as dit là, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu as accepté l'islam. Tout ce que tu as fait est effacé. Tout ce que tu as fait comme péché, c'est disparu. Hein? Donc ça, c'est ça l'islam. C'est ça le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on appelle les gens, c'est pour ça qu'on appelle les gens à se convertir à l'islam pour leur bien, pour sauver leur âme. إِنْ يَنْتَهُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يحفظ أعماله الصالحة ولا يسلط عليه ما يتلفها وينفيها أو يأخذها منه. On dit par exemple, on parle des koufars par exemple, la France, qu'est-ce qu'elle a fait dans les pays musulmans, l'histoire, la colonisation, les meurtres et tout, on pense de ça, l'histoire sombre et obscure de la France, qu'est-ce qu'ils ont fait, pas seulement dans les pays musulmans, même dans les pays des non-musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple, par exemple mes ancêtres en Afrique quand ils ont pris, ils les ont emmenés en esclavage dans les îles et tout, tout ça. S'ils avaient accepté l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala leur efface tout ce qu'ils ont fait comme injustice, tout ce qu'ils ont fait comme mal. Ils deviennent nos frères en Allah et nous on devient leurs frères. Il y en a qui pensent par exemple, quand ils parlent de ça, ils disent par exemple, ils disent pour eux le kafir ça veut dire le français. Ils pensent que le mot kafir c'est synonyme de français parce qu'ils ont une histoire, c'est historique. Quand tu dis, par exemple, pour eux, tu dis, il y en a qui utilisent le terme Gauri. Les Gauri. Alors, il y en a qui disent que Gauri, ça vient d'un mot turc qui veut dire kafir en turc ou je ne sais pas quoi. Et donc, ils disent un Gauri musulman. Quand il se convertit. C'est un mécréant musulman. Ça, déjà, ça ne se peut pas. Linguistiquement, c'est contradictoire. Du moment que quelqu'un devient musulman, c'est ton frère. Peu importe de quelle origine il a, et il vient, et peu importe qu'est-ce que son peuple a fait dans l'histoire contre les musulmans. Peu importe. Du moment qu'il devient musulman, il devient musulman. Une fois, j'ai rencontré un musulman d'un pays, il m'a dit, vous les convertis, peu importe que vous acceptiez l'islam, il vous manquera toujours quelque chose. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, est-ce que tu savais que les sahabas sont tous des convertis en grande majorité? Donc ça veut dire qu'il manque quelque chose aux sahabas aussi. Ça c'est les gens qui disent ça, c'est de l'ignorance, yani. C'est de l'ignorance. Donc, Allahul Musta'an. Le Cheikh il dit, وَإِنْ يَنْتَهُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظْ أَعْمَالَهُ الصَّالِحَةَ ولا يسلط عليه ما يتلفها أو ينفيها أو يأخذها منه يوم القيامة فيحافظ عليها ويحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من التعديات والكلام السيء في حق الله أو في حق المخلوقين يحفظ لسانه فلا بد من هذه الأمور أن الإنسان يجتهد في عبادة الله واستفتاء الشروط واستيفاء الشروط والضوابط المعروفة وعليه مع ذلك أن يحافظ على حصيلته وعلى عبادته لا يسلط عليها أشياء من المحبطات ومما يحبط الأعمال أيضا الشرك الأكبر والأصغر قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc le cheikh il dit, donc, pour résumer tout ça, on peut dire que on doit tous faire attention pour préserver nos bonnes œuvres et de ne pas faire en sorte qu'on les perde ou qu'on les gaspille ou que quelqu'un nous les prenne au jour de la résurrection. Donc, il faut les préserver, il faut les garder. Il faut donc préserver notre langue, préserver notre corps, préserver les tout ce qu'on fait comme transgression dans la parole et les mauvaises paroles à propos d'Allah, à propos des créatures également, il faut garder notre langue. Et il faut également faire des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte que notre adoration respecte les conditions et les règles connues à ce sujet-là, et pour pouvoir donc préserver ce qu'on a comme adoration et pour ne pas les faire devenir nuls. Et vaines. Donc on les préserve du shirk majeur et du shirk mineur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset 88, dans Surat Al-An'am, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si ils commettaient le shirk, tout ce qu'ils avaient fait comme œuvre aurait été annulé. قال سبحانه أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. فعلى الإنسان أن يحافظ على عمله الصالح، ثم أيضا أن يعتبر نفسه مقصرا في طاعة الله، مهما عمل لا يأخذه الغرور والإعجاب، فإن هذا يحبط عمله أيضا. الإعجاب بالعمل والغرور هذا يحبط العمل. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإنسان لا يأخذه العجب بنفسه وبعمله، يظن أنه أصلح الناس وأنه ما عليه مآخذ، بل يعتبر نفسه دائما مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى، ويستغفر ويكثر من التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ يتعمل cette conférence en disant Allah سبحانه وتعالى il dit dans le verset 33 dans surat Muhammad: Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et ne rendez pas vos œuvres vaines. Donc l'homme doit préserver ses œuvres, ses bonnes œuvres. Puis également un point important, il dit: tu dois toujours considérer que tu es yani, tu dois toujours considérer que tu as un manque dans ton adoration d'Allah et que tu es déficient dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas te laisser tromper toi-même et commencer à comme par exemple quelqu'un qui dit: ah, mashallah, moi je suis un bon musulman, moi je fais ma prière, mashallah, je suis bon, et tu commences à avoir qu'est-ce qu'on appelle al-ujb, yani tu t'éblouis toi-même de tes œuvres et du bien que tu fais. Donc il ne faut pas que tu laisses cette idée-là rentrer en toi, de te tromper toi-même par tes bonnes œuvres, parce que ça annule également la validité de tes actions. Il faut toujours que tu sentes que tu n'as pas fait suffisamment et que tu as toujours à faire plus et que tu dois toujours essayer de te corriger et que tu as toujours des manquements dans l'adoration d'Allah et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas te sentir sûr de toi-même par rapport à ton adoration pour dire: ça y est, moi je suis correct là, j'ai atteint le degré, Allah musta'an. Donc le cheikh il dit par exemple dans le verset 14 dans surat al-Hujurat, il dit: les bédouins ont dit nous croyons. Dis au Muhammad à ces bédouins: ne dites pas, ou bien vous n'avez pas encore cru. Parce que quand ils disent amenna, c'est-à-dire les bédouins ils venaient de se convertir à l'islam, ils ont dit: nous on est des bons croyants, on est des bons musulmans, on est des bons croyants. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit de leur répondre: ne dites pas nous sommes des bons croyants ou des vrais croyants, dites plutôt nous sommes convertis à l'islam, on vient de se convertir à l'islam. Mais la foi, la vraie foi, elle n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. Parce que pour que vous atteigniez le degré de ceux qui ont cru avant vous et qui ont fait le djihad et qui ont dépensé des efforts dans la religion d'Allah, il faut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience pour atteindre ce niveau de foi. Donc tu ne peux pas rentrer, tu rentres et tu penses que tu as atteint ce degré-là tout de suite. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera perdre aucune de vos œuvres. Allah certes est pardonneur et miséricordieux. Puis par la suite il dit, il mentionne leur islam, il te mentionne leur islam comme si c'était une faveur qu'il te faisait, en voulant dire: regarde, nous on a accepté l'islam, on a accepté ta religion, comme si en voulant dire ils viennent te faire une faveur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis-leur, قل لا تمنوا علي اسلامكم, ne me mentionnez pas votre conversion à l'islam comme étant une faveur, Au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait la faveur de vous guider à l'islam, si réellement vous êtes véridique. Donc, c'est pas vous qui êtes en train de me faire une faveur ou de faire une faveur à Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait la faveur d'avoir fait de vous des musulmans et de vous avoir guidé à l'islam. Hein? Donc, soyez humbles dans vos œuvres, soyez humbles dans vos actions. Hein? Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, il dit, l'homme ne doit pas s'éblouir par lui-même, se laisser tromper par lui-même du fait qu'il fait des bonnes œuvres, qu'il fait des bonnes actions, et il pense que ça y est, il est la personne la plus pieuse, hein, la plus droite, hein, et qu'elle n'a rien à se reprocher. Ça, c'est pas correct. Il faut toujours considérer qu'on est dans le manque, qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on mérite de faire, que Allah mérite qu'on fasse plus pour lui. Et qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos manques. Et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et on doit se repentir à lui. Donc le cheikh, il termine la conférence en disant ça. Il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour vous et pour tous les musulmans, hein, de nous donner le succès d'avoir les bonnes œuvres dans nos paroles et dans nos actions. Et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Donc, alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On espère que on a profité donc de cette explication du Cheikh Al-Fawzan qui est remplie de leçons pour nous, qui est remplie de points qui sont très très bénéfiques et très importants pour comprendre correctement notre religion et notre adoration, et on espère donc que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de notre part ses efforts et qu'il accepte notre jeûne et nos prières. Donc on s'arrête ici, inshallah. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.